Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On parle de justice avec Michel Lebrun et son panier à salade. On parle sport avec Maxime Bilodeau. Non, c'est David Ferron qu'on a aujourd'hui. Ah, oh, c'est David Ferron. Oublie-le pas. Hey, sa langue est juste la sangle. Hey, est longue. Ça va pas dire. Sa langue le précède. David Ferron. Mais je suis content de voir qu'il n'y a pas juste moi qui se trompe dans les chroniqueurs ou qui annonce ses mauvaises affaires ou qui ne sait pas qu'est-ce qui est à quelle place. Non, mais c'est mêlant, là. C'est mêlant, en fait, mais... Hey! J'avoue qu'après Michel Lebrun, c'est David Ferron. C'est ça. C'est une journée de contraste. C'est un... Ouais. Si on veut. On a un bon moment de fou rire avec David Ferron à chaque semaine. Hey, y a-tu pas d'allure? Y a aucun sens. On l'adore. Ah, il est sympathique. Je suis sûr que les auditeurs aussi. Là, oui. Sympathique. C'est une belle petite bête. T'as envie de l'adopter. Docile. Oui. Donc, Docile Ferron sera avec nous à 8h30. Docile Ferron. Oh, voilà, plus de même. Pour sa chronique, la langue dans ton oreille. Et aujourd'hui, François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Ouais, j'ai son sujet, attends un peu, j'ai ses affaires ici. C'est l'autre gala de la disque dont il lui parle, qui avait lieu le 22 octobre dernier. Entre autres, l'orchestre des Pas Perdus, Gotha Lago et Negabo. Negabo. Voilà, c'est dans sa chronique à 8h30. Avant ça, à 8h, François. Oui, à 8h, on va recevoir Michel Lebrun qui va nous parler en fait de justice, de juridique et tout ça dans le domaine. On va faire ça sous la forme d'un jeu. OK. Parce que c'est tout le temps jovial et... Jerry Lewis. Et joyeux. Joaillerie. Oui, des bijoux. Là. On fait des bijoux, ouais. C'est ça. C'est un vrai bijou, cette chronique-là. Sinon, on va aussi parler, en fait, il faudrait qu'on revienne sur le spectacle de East Road qui a eu lieu la semaine passée. Donc on va en parler en la première heure. Moi, j'aimerais bien aussi en première heure faire la chronique CNX parce que c'est les élections américaines aujourd'hui. Oui! Quelques petites affaires en rapport avec Parfait. Ça. Parfait. Ouais! Génial. Voilà. Par contre, on va commencer avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. Vous vous rappelez peut-être de Noël pour leur chanson « Mon espace ». Tu te rappelles, c'était la chanson qui sonne un petit peu le même, là, genre... Ouais. Wow! C'est ça. Ils ont une nouvelle entrée qui se nomme Beltane, donc la voici. Oh ben, agace. C'est un peu agace, hein? Agace, Mathieu Plante. Je m'en veux. Pas vraiment. Bosque de sorcières. Je veux revoir ton doux visage, tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame, écouter ta voix océane, murmurer des villes d'Irlande dans ta clairière de Poséidon. Dans la forêt où le fond me brame, tout près du lac de la Dame. Je veux dormir tout contre toi, avec un seul dolmen pour toi. Viens réchauffer tes allumés, et tu braser de l'homme train. Écoutez les incantations de ta lycée breton. Reviens avec moi vers Wicca, faisons remettre les rites anciens. Changeons les messes en savoir et le vivant. comme des sylvains. te retrouver. Je me suis lassé de ton image. Je ne veux plus que t'espérer et voir enfin ton vrai visage. Viens me trouver, je n'en veux plus de cet espace. Les incarnés, je ne suis pas vraiment de face. Je voudrais tourner de l'été et vivre une vraie réalité. Viens me rejoindre, ce n'est pas nous sur cet espace. Et un reflet que tes sourires que l'on le sasse. Une vision ou un mirage. On doit enfin tourner la page de mon espace. De mon espace. Pense-y deux fois parce que dans notre monde y'a deux lois. Tu y adhères ou pas encore là, t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde y'a deux lois. Le concept c'est de le faire deux fois. C'était notre bloc qui était deux fois d'aujourd'hui. En fait, on l'avait pas annoncé à l'avance parce qu'on l'a décidé en cours de route. Ouais. Ouais. C'était un petit peu trop agaçant. Ouais, c'est ça. Tu nous avais agacé avec Noël. Ouais. au début de l'émission, puis t'arrêtais ça. C'est de même. De même. Non. L'idée, c'est qu'on a entendu au début du bloc la nouvelle entrée du palmarès francophone Beltan de la part du groupe Noël. Et on s'en a entendu leur premier extrait du palmarès qui date d'il y a quelques mois. C'était Mon Espace sur l'album Petites Apocalypses. C'est très bien, Noël. On aime bien ça. Oui, c'est un des très bons groupes francophones en ce moment. Et bravo à eux. Oui, mais Mathieu Plante. Oui, François, tu sais que ce soir, il faut aller voter aux États-Unis. C'est la citoyenneté. C'est... Hein. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que j'ai pas, là? Non. Non. Je vais faire tout pour rien. Non. Non. Non. Mais si jamais tu devais savoir pour qui voter, mettons, je vais donner quelques petits indices. Voici la chronique CNX. C'est la chronique CNX du mardi 6 novembre 2012. Et aujourd'hui, c'est les élections américaines, les élections pour la présidence américaine. Donc, il y a une compagnie, en fait, qui s'appelle Engage, qui a analysé les likes, OK, de milliers d'utilisateurs Facebook via leur application Trendsetter pour déterminer les... Les gagnants. Ben, pas les gagnants, en fait, la tendance des gens par rapport à certaines choses. OK? On va commencer avec les médias. Ouais. Donc, on voit sur leur petit graphique que j'ai posté sur assemblagerequis.com, dans le fond, c'est divisé en deux catégories. Si on veut, le bleu à gauche, c'est les gens qui vont le voter le plus pour Obama. Et à droite, c'est les gens plus pour Romney. Et aussi, à la verticale, on a les gens qui vont très peu voter, donc qui ont le moins tendance à voter, et ceux qui ont le plus tendance à voter. Donc, dans le côté... sur le côté, en tout cas, bref, de Obama et de... Ils vont aller voter. Entre autres, CNN... Si tu lis Newsweek, par exemple, ouais. Le New York Times, si t'écoutes la radio NPR, si t'es geek et que tu lis le magazine Wired, que t'aimes National Geographic, tu vas sûrement voter pour Obama et tu vas sûrement aller voter. Okay. Alors que de l'autre côté, les gens qui vont voter pour Romney et qui vont beaucoup voter sont entre autres, on peut deviner Fox News, ouais. Le Wall Street Journal, il y a un paquet d'autres sites qu'on connaît peut-être un petit peu moins ici. Alors qu'au milieu... qui sont vraiment entre les deux. CBS News, USA Today et des choses comme ça. Ça, c'est plus les indécis. Là. Les indécis entre les deux. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui n'iront pas voter ou qui ont moins de chances d'aller voter. Par exemple, les lectrices de Cosmopolitan, magazine pour filles, ils vont plus voter pour Obama, mais ils vont moins aller physiquement voter. Peut-être parce qu'ils sont plus jeunes, je ne sais pas. Côté intérêt et hobby, encore le même principe. Du côté d'Obama et du côté des gens qui vont moins voter, ce serait par exemple ceux qui, là on parle d'intérêt et de hobby, là, les gens qui aiment se coller en cuillère ont moins de chances d'aller voter, mais sont plus du côté d'Obama, selon Trendsetter. Ceux qui s'entraînent avec Zumba ont moyennement de chances d'aller voter. Ceux qui aiment les petits chats, les sites web de chats. Ouais, c'est vrai, vraiment. Mon Dieu. Les modes de chat. Alors que du côté de Romney, il y a les fans de chevaux qui ont tendance à aller beaucoup voter. Les dauphins sont indécis. Malheureusement, les dauphins sont indécis. Du côté de Romney, il y a aussi les pêcheurs, mais eux, ils ont moins de chances d'aller voter. OK. Quand même assez intéressant. Côté boisson, maintenant, tiens, on y va avec la gauche, ceux qui sont du bord d'Obama, entre peut-être plus, ouais, OK, on va dire Obama, mais moitié, pas tant que ça. Absolute Vodka. Absolute okay. Vodka. Au milieu, dans les indécis, Heineken, Bacardi, Corona. OK. C'est des indécis. Et à droite, chez Romney, il y a plein de buveurs d'alcool. On s'entend, les Américains. Budweiser. Long, là. Budweiser est exactement là. C'est le plus gros. Donc, c'est, là, on parle. Il y a aussi des termes de grandeur là, que je n'essaie pas de préciser ici, mais c'est la plus grosse bulle du tableau. Et ils sont dans les Romney, mais qui ont moins de chances d'aller voter. Ils vont rester dans leur salon. Ah oui, ils n'iront pas voter? Malheureusement, non. Par contre, les fans de Guinness ont plus de chances d'aller voter. Hein? OK. Et Captain Morgan. OK. Quand même. Si on y va avec les films, tiens, du côté d'Obama, on a entre autres les fans de Slumdog Millionaire, okay, la comédie musicale Rent, Mean Girls et Black Swan. Mais eux, ils ont moins de chances de voter, mais ils voteraient du côté d'Obama. Dans les NDC, on retrouve Star Wars, Lord of the Rings, Karate Kid, et un paquet d'affaires comme ça. Back to the Future est là aussi. Et du côté de Romney, on a Taken, Black Hawk Down, The Passion of the Christ, c'est avec Mel Gibson. Et est-ce que c'est, attention? Pas capable de le lire. Pas capable de le lire, mais avec Atlas dedans. Bref. C'est du côté de Romney. C'est quand même trop petit, les affaires. Côté émission de télé maintenant, du côté de Obama, on retrouve American Dad, entre autres Jersey Shore. D'Obama, exactement. Oh ouais. Jersey Shore, mais moins de chances de voter, par contre. OK, ouais. Sinon, j'y vais plus vers le milieu, peut-être dans les ADC. Seinfeld, Walking Dead, Big Bang Theory, The Office, Saturday Night Live, des trucs comme ça. Homeland, dont on a déjà parlé. Du côté de Romney maintenant, NCIS, OK. Donc, des enquêtes policières. Dancing with the Stars, d'ailleurs, c'est des vedettes. Les émissions télé-réalité merdiques comme American Pickers, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est plus du côté de Romney. Et ils n'ont pas tellement de chance de voter, eux non plus. On dirait que dans cette catégorie-là des émissions de télé, là, les grands fans d'émissions de télé sur Trendsetter, c'est plus vers le trois quarts du bas. Dans la catégorie est-ce qu'ils vont aller voter ou pas, là, la ligne okay. est à la verticale, donc c'est dans le trois quarts du bas. Dans le fast-food maintenant, c'est presque tout du bord de Romney. Oh, des ouais. idées. Donc, il n'y a pas vraiment grand monde du côté d'Obama. Du côté. Plus du fast-food. Ouais, c'est ça, c'est vraiment plus du fast-food. Donc, du côté d'Obama, le seul que je vois, c'est Chipotle Mexican Grill, qui est un petit peu du côté d'Obama, mais même là, c'est pas mal au milieu. Au milieu, on retrouve McDonald's, Burger King, Wendy's, PFK, Krispy Kreme, Dunkin' Donuts, etc. Et à droite, du côté de Romney, on a Chick-fil-A, une affaire de c'est un genre de restaurant de saluche de poulet, mais qui sont très, très, très anti-homosexualité. Et ils ont parlé contre ça beaucoup, ça fait une grosse controverse. Ouais, vraiment. Okay. Donc, leur cercle est très, très gros du côté de Romney. Et il y en a plein d'autres comme ça. Je crois que c'est tout pour ça. Exactement, oui. Allons-y avec maintenant 16 bricolage ou choses faites à la main que vous pouvez acheter pour les élections. C'est le fun de dépenser de l'argent? Un petit peu, on le fait à chaque semaine. Donc, commençons avec Kit Romney et Bark Obama. Kit Romney. Oui, Kit comme un chat et Bark comme jappé. Donc, c'est un portrait, une peinture par Full Frog Moon, où on voit vraiment la face de Mitt Romney sur un chat et la face de Barack Obama sur un chien. Un genre de quadrillé mauve et blanc, là, son corps du chien, c'est très, très kitsch, j'aime ça. Il y a aussi des choses plus spécifiques aux candidats eux-mêmes, juste à une personne. Par exemple, les Barack Obama, les Baracas, comme des maracas, tu comprends? Donc, c'est des maracas avec la face de Barack Obama dessus. Pourquoi pas? Est-ce que tu connais les yarmulkes? Yarmulke? Je sais pas comment on prononce ça, mais non. C'est la petite tuque là, que les. Je crois que c'est les juifs ouais. qui ont sur la tête. Ouais, ouais. Mais avec le logo de Romney dessus. Le R de Romney. Ah oh, ouais. On peut acheter ça de la part de G. Sager. OK. Il y a une peinture de Barack Obama en train de monter sur un lion. En fait, il est déjà monté sur son lion. Il y a un fusil d'un côté et un lightsaber de Star Wars de l'autre. Ça, c'est le fun, ça serait beau dans un salon, ça. T'as la mitaine de four, la Oven Mitt Romney. Mitaine, vraiment. Ah ben ouais. Avec la face, évidemment, de Mitt Romney. N'importe quoi. Des boucles d'oreilles. Tu peux le brûler. Vas-y. Tu peux le brûler. Oui, enfin. Si tu l'aimes pas. Ton rêve. T'as pas besoin de le faire dans la vraie vie puis te faire arrêter parce que t'avais en prison. Des boucles d'oreilles avec de tout petits Barack et Michelle Obama. Donc, chacune de tes oreilles aurait un Obama. Ce serait une Obama-boucle d'oreille. Bon. Un verre de céramique, un peu comme pour jouer au beer pong. Okay. Ping-pong, avec la face de Mitt Romney sur le verre. Ouais, c'est écrit Romney dessus. Il y a un savon Mitt Romney aussi, à la senteur de vanille. Ça, c'est vraiment la face de Mitt Romney, c'est très très beau. Sinon, le reste, vous pouvez aller les voir sur assemblagewiki.com. Il y a entre autres Hershey's Kisses, là, tu sais, les petits baisers de Hershey, là, les petits, ce genre de pyramide en papier d'aluminium que tu déballes, puis il y a du chocolat dedans, de Mitt Romney, et il y en a plein d'autres. Ensuite, quiz scientifique, François, si tu veux déterminer pour qui tu devrais voter. Si tu pouvais voter, c'est un quiz tellement scientifique, tu vas répondre à ces questions-là. Qui voudrais-tu comme animal de compagnie entre un chat, un chien cool, qui est vraiment à côté sur quelque chose, ou un porc épique? Un chien cool? Un chien, évidemment, parce qu'il est cool. Hein? Si c'était juste un chien, ce serait pas ça. Ouais. Qu'est-ce que tu manges pour dîner d'habitude? Un burrito, un sandwich ou une salade? D'habitude, je mange un sandwich. Voilà. Je suis quelqu'un de bien standard. Oui, hein? Ben, on va voir tes goûts en filles maintenant. Avec qui aimerais-tu mieux aller en vacances? Jay Wild de Jersey Shore, Snooki de Jersey Shore ou Sammy Sweetheart de Jersey Shore? Là, tu me prends un peu de cours. Écoute. Sammy Sweetheart. OK, ben. Je fais confiance à Mathieu Blanchet. Pas Snooki, en fait. pour qui aurais-tu voté pour la précédente élection? Donc, ce serait John McCain, Barack Obama ou t'aurais pas voté si jamais t'avais pu? Ben, j'aurais voté Obama. Obama, parfait. Quel genre de téléphone tu utilises? Un iPhone, Android ou un flip phone? iPhone. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La cyber-intimidation? Je sais pas c'est quoi ça? Réforme de quelque chose? Ou les. Je sais pas quelque chose, c'est ça non plus. Des affaires de produits chimiques là, sur les champs. Donc, vas-y entre le cyber et la cyber-intimidation. Ben, je dirais produits chimiques sur l'échelle. Produits chimiques, j'aime ça. La marijuana devrait être illégale, obligatoire ou légale, mais pas pour les vieilles personnes ou pour les nerds? Est-ce que ça devrait être illégale, obligatoire ou... Je sais pas, légal. Légal, tu dis? Ouais. Pas obligatoire, donc légal. Non, pas obligatoire. Ben, obligatoire. Tu peux pas forcer le monde. Fais du spot. Pourquoi pas? Toi, visite. Ah, je dirais non. Qui aimerais-tu mieux avoir à ton mariage comme invité musical? Danzig, je connais pas. Henry Rollins ou encore Gene Simmons de Kiss? Gene Simmons. Le seul qu'on connaît, c'est ça. Quel Black Eyed Peas est ton préféré? Hey, Fergie, Tabou ou l'autre chose? Fergie, je pense, c'est joli. Fergie, tout à fait. Quel personnage de Sonic the Hedgehog est ton préféré? Sonic? Qui? Sonic, ouais. Ok, ben ça. Tails avec les deux queues qui tournent ou Knuckles, là, c'est comme un Sonic mais rouge? Sonic. Classique, toi. Hein? Ben là. Tu me poses des questions où je connais pas vraiment les réponses. Oh, comment? Ok, il nous en reste juste quelques-unes. Quel band de new metal est le moins dégueulasse? Linkin Park, Papa Roach ou Korn? Le moins dégueulasse. Linkin Park. Linkin Park. Quel saveur de dégueulasse. Quel saveur de chip préfères-tu? Est-ce que ce serait sucre et cannelle, multigrain ou ail parmesan et fines herbes? Sucre et cannelle, je pense. Sucre et cannelle. Là, le reste, celui-là, je le sais pas. Le personnage préféré de Pretty in Pink, n'importe qui. On va prendre le gars qui a l'air cool. Okay. Ça va peut-être fausser les données. Là. Peut-être un peu, mais il a l'air cool. Il a l'air cool, sinon, OK. Sinon, c'est un gars qui a l'air pas cool, puis une fille qui a l'air bizarre. Okay. Sœur Kardashian préférée, Kourtney, Kim ou Khloé? Hein, Musique Plus, t'écoutes ça, les incroyables sœurs Kardashian. Pas tant, écoute, non. Moi, je dirais... Les sont jolies, par exemple. Kourtney, vraiment. Ouais. Et fais confiance, hein? Et quel juge préfères-tu à la télé? Judge Judy, Judge Joe Brown ou Judge Dredd? Tu sais, au cinéma, là, c'est le seul que tu connais, je pense. Judge Dredd. Non, Judy, Judy, ouais. Et parfait, good. On va pouvoir avoir ton score. Barack Obama, bravo. Oh! Tu vas pas Barack. Ouais, mais c'est con, tu sais. Écoute, ça se résume à une question pour qui t'avais voté ou tu voterais. Tu penses, les élections précédentes, ben je sais pas, ça. En fait. Est-ce que je me demande si on peut changer. On peut pas changer le résultat, hein? Sûrement pas. Je ça sais pas. C'est le fun, ça. Attention, c'était... Ah, non, c'est pas changé. Trop tard. Trop tard. Ouais, en tout cas. Mais je t'ai aidé avec Sammy Sweetheart et Kourtney Kardashian. Clairement le meilleur choix de la gang. OK, nomme-moi là, évidemment, je te demanderai pas ton salaire à toi, là, parce qu'on veut savoir combien ça prend de temps pour que la campagne de Barack Obama dépense ton salaire annuel, OK? Oh, écoute, c'est une question de seconde. Ouais, c'est ça. Donc, donne-moi le salaire d'un métier que tu sais le salaire, mettons, de... Je sais pas, quelqu'un, exemple, qui gagne, je sais pas, on va dire 50 000 par année. 50 000 par année, donc on va rentrer ça, et on va voir combien. C'est une question de seconde. Donc, ça prendrait 29 minutes 12 29 secondes. 29 minutes? Ouais, quand même. Et combien ça prend de temps pour toi de faire l'argent qui a été dépensé dans la campagne d'Obama? Ça te prendrait 7544 ans, 9 mois, 21 jours, 10 heures, 2 minutes, 12 secondes. 7000. Ouais. Wow! Et si tu continues de travailler à ce rythme-là, tu vas et pouvoir... Et tu dépenses pas, là, faut pas que tu dépenses. C'est ça. Aucun loyer, tu vis dans la rue. Tu vas te rendre là le 2 août 9552. Tabard, toujours avec le même linge. Hein? Puis, tu manges pas. Ben, tu peux garder le linge que t'avais déjà. Là. Oh, ouais, c'est ça. Mais pas ton poids change. Par c'est ça. Faut pas que tu manges non plus. Et ça, c'est selon Slate.com. En fait, la campagne de Barack Obama seulement a dépensé 377 240 434 depuis le 1er juin dernier. Dernier, là. C'est énorme. OK, là, on a terminé le bloc politique. On va y aller rapidement, très, très rapidement, avec un bloc sur l'ouragan Sandy, parce que je voulais parler de quelques affaires un petit peu plus dans le présent. J'ai sauté par-dessus les affaires d'Halloween, pourquoi pas. Donc, ouragan Sandy, on peut le voir directement d'en haut de la ville à New York. C'est Matt Erickson et John Huang du New York Times qui ont filmé cette vidéo-là, qui commence de la bâtisse du Times à, c'était dimanche dernier, à 15h46, environ 45-46. Et là, on voit vraiment, c'est une minute représentée. Je pense qu'il y a au moins 10 minutes par seconde, là. Au moins, okay. En tout cas, à ce que je regarde là, ça monte tellement vite. On est déjà rendu à 6h30. Là, on est rendu à 7h. 7h30. Fait que c'est comme une demi-heure par seconde, quasiment. Et on voit vraiment le temps changer. Et la pluie arriver, c'est assez... ben, c'est beau à voir. C'est triste, mais c'est très beau à voir. C'est une très bonne idée d'avoir pensé à faire ça avant que l'ouragan arrive. C'est quand même assez... assez impressionnant qu'ils aient réussi à démarrer cette caméra-là et vraiment faire ça correctement aussi rapidement. J'adore ça, aller voir sur assemblagerequis.com. Il y a aussi 19 images virales qui font le tour d'Internet et qui sont que les gens disent que ça vient de Sandy finalement. Les gens se partagent ces photos-là comme étant des photos de l'ouragan Sandy. Donc il y en a 19 et c'est des photos qui venaient d'ailleurs et non de Sandy. Ça va être diffusé à télé. Faut faire attention. Il y en a plein dans les médias qui sont pas des images de Sandy mais qu'on vous montre comme étant ça. Par exemple, le gars qui traîne son chien sur ses épaules, là, ça fait partie d'une tempête tropicale dans les Philippines en 2011. Donc les photos, faites attention, allez voir ce petit compte-rendu-là pour savoir environ. Il y a aussi quelques gifs animés de reporters, de journalistes de WNYC. C'est lui qui a fait ces gifs animés-là pour montrer les produits d'épicerie dans le fond partir un après l'autre. Donc c'est vraiment un gif où on voit un mur de bière et puis tranquillement, pas vite, le gif avance et les bières s'en vont une après l'autre. Pareil pour des bouteilles d'eau, des pains pita, du pain en général. Donc des petits gifs animés de nourriture qui partaient dans les magasins à cause de Sandy. Et finalement, ça existe déjà. Ça surprendra personne. Des chandos. J'ai survécu à Sandy. Ah ouais? Tu peux acheter ça pour $20.95. Hein? T'as aussi, j'ai survécu à la Sandy Frankenstorm 2012. Et là, tu peux mettre ton propre nom et ton propre état. Et ça, c'est $19.95. Et finalement, j'ai survécu à l'ouragan Sandy, $21.90. Tout ça sur Internet. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Et surtout, n'achetez pas ces chandos-là. C'est pas bon. Faites pas ça. Voilà pour CNX. Je vais me mettre un petit peu à jour sur ça. Fait que c'est fait. Good. C'est fait! Bon! Je pense qu'on devrait retourner en musique, François. Oui, on va dans la musique. Oui, on devrait retourner en musique. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette pièce de Stars qu'on n'a pas entendue depuis quand même, je pense, la semaine passée, il me semble. On la faisait jouer pas mal quand elle était nouvelle. Mais là, on dirait que le temps passe, on la joue moins. Donc voici Stars et The Theory of Relativity. Après ça, on revient avec plus d'assemblage requis. Une heure et demie plus. Comme 90 minutes. Popé? In an extended ride north. We'll be right back. a race to the end, and I don't intend to win it, baby. You go ahead, I'm gonna meet you then. D.A.D. used to talk of relativity. That was way back when everyone was scared. Now that we're deep inside the wise, there's a place to hide. You can do things they would have never dared. Retour, on découvre un autre groupe de musique indie avec Maxime Tanguay. C'est qui déjà ce Ben-là? Je vais aller après la pause. Attention, dinosaure, ça revient! Non, c'est Maxime Tanguay, mais il est grandeur normal. Ah, oh, laisse donc faire. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Bonjour, Assemblage requis. En ce mardi matin du 6 novembre, on est en train d'essayer de régler des problèmes. Je sais que certains d'entre vous l'avaient remarqué. Tente. Faut le dire, faut en parler, sinon les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. François, apparemment qu'on n'entend que toi par moment. Je sais pas, en fait, mais seulement sur le flux le des stream. Internets. Oui, exactement. Donc, des fois, ça, c'est des choses qui arrivent. On va essayer de régler le problème. Pendant ce temps-là, je crois que vous entendez genre de la musique, pas ma voix, mais la voix de François. Fait que je parle dans le beurre, mais à la radio, ça marche. Fait que c'est correct. C'est bon. Et aussi, autre correction. Oh! Tantôt, j'ai parlé d'un dinosaure qui allait nous attaquer. C'est dans la fenêtre-là, François. On dirait qu'il y a un dinosaure qui va nous attaquer dans le pavillon. Je pense que c'est une grue. Tu peux-tu? Ouais, peut-être. Ben, ça semble être une pépine. Une pépine pour notre futur pavillon des étudiants, dont vous avez sûrement parlé en ondes à plusieurs reprises. Mais vraiment, là, puis là, je vous parlais hors d'onde, puis là, j'ai vu l'ombrage approcher dans la fenêtre. Mais c'est ça! Un dinosaure! Mais c'est comme dans la pub de l'examen final où vous faites attaquer par un dinosaure. Par un dragon. Oui. Le dragon, excuse-moi. C'est Nono. Hein. La blague marche pas si tu dis dinosaure. Je suis super Nono dans la vie. C'est très Nono. Ouais, vraiment. En tout cas, au moins, t'as pas mis un chameau parlant dans ta pub. Comme moi, j'ai fait. Un chameau parlant? Un chameau parlant, t'as pas entendu? Le tirage des six-packs? Bonsoir, Mohamed! Non? Non, mon Dieu, non, j'ai pas... Hey. J'ai pas ça sous la main. Colin, hey, je vais faire une recherche. C'est ça. Bon, assez niaisé, on va accueillir Maxime Tanguay pour vrai. Cette semaine, tu dois nous dire le nom de ta chronique. Comme un dinosaure? Comme un dinosaure. Oh, ben non. Et si, bol, OK. On veut que ce bonne-là... Oh, nous, Kenya! Dragon, dinosaure, same difference. Hein? Il y avait l'air méchant. Mais moi, honnêtement, là, je trouve qu'il y avait l'air sur le BS. Plus qu'autre chose. En tout cas. Et j'imagine vraiment un dinosaure manger des Cheetos genre, avec ses petits. Puis avec une petite camisole blanche, oui. Là, avec des petites traces de Cheetos de doigts. Là. Oh, oui. Donc, c'est chic. Hein. Tu sais, il y a tellement. Mais c'est ça, un T-Rex, il peut pas s'essuyer parce qu'il est trop petit. En tout cas. Ouais, allô? C'est l'image que j'ai dans la tête. Ouais, donc, Maxime Tanguay, tu nous parles d'un autre musée, d'un autre groupe de musique indie avec un nom assez étrange. Oui, j'ai vu qu'il y a eu une confusion au studio quand j'ai dit le nom, là. C'est Siskiyou. Ben, fuck you toi-même. c'est pas ça? Non. Non, je t'aime beaucoup, Mathieu. Merci. Mais c'est la première fois que j'entends ça, moi, ce nom-là. Mais c'est un band qui est vraiment pas connu. À l'émission Canal Vie, je pense. À l'émission Canal Vie. C'est ça, Saskatua? Saskatua. Saskatua, oui, j'ai appris ça les dimanches matin au moment où je vivais avec mes parents. Ma maman était branchée sur Saskatua. Tous les dimanches matin. Oh! Mais non, Siskiyou, en fait, S-I-S-K-I-Y-O-U. Pour ceux qui le cherchent, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, j'en ai franchement aucune idée. Mais c'est quoi? C'est canadien? C'est finlandais? Un groupe, oui, c'est canadien. Oh, ça vient de l'ouest du Canada, Vancouver, en fait. Mais c'est un garçon de Toronto et un garçon de l'ouest. C'est un duo. À la base, maintenant, c'est rendu plus un quatuor là, que deux autres jeunes hommes se sont ajoutés. Mais en fait, à l'origine, c'est vraiment un duo de musique folk. Donc, musique folk, moi, qui je suis en amour avec la musique folk. Surtout canadienne, je trouve qu'il y a tellement une production et des arrangements qui sont intéressants au Canada qui découle de très loin, c'est-à-dire de Neil Young, puis ça a évolué, puis c'est Siskiyou et des descendants, j'ai l'impression, direct de ce cher monsieur Young. Et donc, un duo qui a commencé d'une drôle de façon, parce qu'en fait, le chanteur et guitariste Colin Hubert est un ancien membre de Great Lakes Swimmers, si vous connaissez la formation torontoise. Formation? La formation Toronto, ça, t'as dit? La formation. Formation, oui. Oui, parce que c'est le dinosaure qui revient de temps en temps. C'est le dinosaure. Ou le dinalecte. Le dinalecte, ah, le dialecte de dinosaure, un dinalecte. Oh, j'aime ça. Beau terme. Ouais, ouais, c'est, on va essayer de le faire passer dans le Larousse. Uh-huh. Et de toute façon, il accepte n'importe quoi, ça. Bon. Le Colin Hubert, dans le fond, qui a quitté Great Lakes Swimmers à un moment donné pour aller travailler sur une ferme bio dans l'ouest du Canada, comme il y en a beaucoup, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'il a rencontré Eric Amison, qui est le deuxième membre original de Siskiyou. Et là, ils ont commencé à retravailler des idées que Hubert avait eues à l'époque de Great Lakes Swimmers. Et ils ont travaillé ça, puis ça a donné éventuellement un album. Siskiyou a un son très, justement, folk indie, mais très lo-fi. C'est vraiment un son qui est très, très épuré d'arrangement. Qui a pas vraiment, on dirait vraiment qu'ils sont assis dans une grange puis qu'ils jouent de leur musique. C'est en fait, pas surprenant que ce soit ça. Ah, là, peut-être. Puis bon, ben, c'est ça. Il était de passage à Trois-Rivières, il y a de cela, je crois, un an environ, au feu de forêt dans le désert. Oui, c'était aux énormes, effectivement. Les fameux spectacles là, de musique, là, de groupe qu'on connaît pas. Puis deux ans après, on se dit « Colin, j'aurais dû être là ». Ça a été mon cas avec Siskiyou. C'est ça l'underground. Hein? Faut que t'écoutes C'est fou, puis faut que t'ailles voir des affaires la même pour connaître ça à l'avant tout le monde. Là. Exactement. Puis idéalement, faut que t'aies des très, très grandes lunettes carré et que voilà. T'as pas ça toi, hein? Non. J'ai tellement une bonne vue, mais j'aimerais ça. Pour... Ah. J'aimerais ça mal voir. Un jour peut-être. Et. Pardon? Et donc, voilà, Siskiyou qui nous offre un produit quand même très émotif avec la voix de Hubert, justement, qui est tout le temps un peu chambranlante, là, si je peux dire comme ça, là, comme une bonne vieille chaise que t'as tout le temps l'impression de te casser la gueule. C'est un peu sa voix. Et des arrangements qui vont souvent aller chercher un petit côté un peu dissonant. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec le folk canadien, que ça va souvent arriver qu'ils vont aller essayer de chercher des fausse note volontaire, si on veut, pour apporter un petit mordant là, dans la musique. Ah. Et c'est ce qui veut que deux albums jusqu'à maintenant. Donc, un groupe qui a commencé en 2010 et qui a lancé leur premier album dès cette année-là, qui est un album éponyme avec une magnifique pochette où on voit la tête de Sasquatch dessinée au crayon de plomb. Pas au crayon de plomb, mais au crayon couleur. Puis pour vrai, c'est vraiment une magnifique pochette. Et l'album, justement, qui est très, très low-fi, qui est très minimaliste dans le style. Et finalement, Keep Away the Dead, qui a sorti l'année d'après, c'est-à-dire l'an passé en 2011, qui est un album avec un petit peu plus d'arrangement. Puis là, on sent que c'est rendu plus un quatuor qu'un duo, parce que les chansons sont un petit peu plus complexes. On rajoute des cuivres, on rajoute plein de petits détails de production, mais qui vont quand même juste bien se scinder dans le style déjà installé du groupe. Et honnêtement, j'ai pas... Je pense que la meilleure façon de les connaître, c'est vraiment de les écouter. J'ai pas nécessairement d'autres choses à dire sur eux. Et d'ailleurs, on irait entendre deux magnifiques chansons du groupe. Et là, je vais inverser les choses. D'habitude, je commence en jouant une chanson du premier album. Après, là, on va faire le contraire. Okay. On commence avec le deuxième album. La chanson, c'est la deuxième piste de l'album. Je vais devoir revérifier le titre parce que j'ai changé d'idée en m'en venant. C'est la parce numéro. Que... Je vais te le dire, le titre, moi. Hey, ça serait ça, bien gentil. Même je suis service, moi. C'est Where Does That Leave Me? Et voilà. Et oui. Where Does That Leave Me? Qu'on va l'entendre. Puis le pire, c'est que je l'écoutais en m'en venant en studio. J'ai fait, ah non, elle est bien plus intéressante à faire écouter. Et donc, ce qu'on va l'entendre, c'est ça. Et ça va être suivi d'une chanson du premier album qui s'appelle Big Sur. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Et c'est une chanson plutôt longue où on va voir justement le côté très, très, très émotif puis très la dissonance qui va apparaître aussi vers la fin de la chanson et tout. Et c'est une de mes chansons là, fétiches que j'aime énormément écouter. Donc, et que j'ai écouté beaucoup, beaucoup l'an dernier quand j'ai découvert le groupe. Donc, c'est les deux chansons que je vous offre pour aujourd'hui. Écoute ça dans la chronique de Maxime Tanguy. C'est qui déjà ce band-là? C'est... J'en ai aucune idée. OK. Mais c'est ce qu'il y a. Ah, ouais. Ça me dit quelque chose. coasts on shore into ribbons. Precisely, I will slash every single mountaintop left. And as for the sky, I have a knife with your name written on it. I'm just biding my time. Donc, c'est relax, hein? Oui. C'est un petit matin paisible. Dans le bon sens. Mais oui, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est un groupe magnifique. Là. Si vous avez aimé ça, là, moi, je suggère de les encourager. C'est vraiment un excellent band qui est signé sur Constellation, qui est probablement l'une de mes compagnies de disques favorites. Voilà. Voilà. Siskiyou. Siskiyou. C'est ça. Siskiyou, ben Siskiyou, là. C'est ça. En ce moment. c'est ça. Exactement. Merci, Maxime Tanguay. Hey, ça me fait donc bien plaisir. Ben, tu sais, excellent travail, puis tu sais, tout ça, là. Puis ben, en plus. Pis tout. Ça, là, puis l'autre affaire, là. Ben oui. Ben je sais. D'ailleurs, n'importe quand, Mathieu. Hein. Faut se dire ces affaires-là. C'est ben comme, oui. Pourquoi pas? En vrai. À la semaine prochaine. Merci, Max. ça va nulle part. Merci. C'est Tanguay, une autre chronique. C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune idée. C'est les mardis à 7h30. Mazin. Full cool, man. Full cool. Non, mais c'est parce que là, c'est ça, le mois de novembre vient d'arriver. C'est pour ça que dans mon show musical, vous allez voir, ça va sûrement prendre une tangente musique automnale, hivernale. Dark, un peu. C'est pas dark, mais calme et quasiment déprimante par moment, non? Ah oui. Ouais. Ah oui. Tu fais pas pousser la moustache? Ben non. Tout sauf ça, en fait. T'as vraiment la lignée de barbe. Ouais, ben je fais une anti-moustache cette année. Mais non, en fait, plein de raisons. Étant, j'ai pas le temps de ramasser des fonds. Puis de toute façon, de ce que j'entends, les fonds ne se rendent pas. Fait que il y a ça. Qu'à avoir la moustache juste pour paraître. Ben moi, c'est ça l'affaire, là. L'affaire de moustache, là. C'est tellement à mode de faire ça, comme sans la cause. Tu sais, les gens, ils se font pousser la moustache, donnent zéro argent, ramassent rien. Ben, ça donne zéro. Ça change à rien. Exact. Donne don directement à Procure, comme disait, je crois que c'était Simon Fisbé qui disait ça. Oui, tout à fait. Eux, ils vont vraiment, l'argent va là, puis t'as pas besoin de te faire pousser des poils pour rien, là, bien pour faire le mouton, tu sais. Et Dieu sait que dans ma vie, c'est très payant le moustache, parce que je sais pas pourquoi, mais dans les mois de novembre, quand je fais de l'impro avec ma moustache, je gagne tout le temps des étoiles. Oh. Je suis convaincu que c'est un moustache. Il y a un lien là-dedans parce que correlation is causation, comme ils disent. Hein? Exactement. Si la corrélation, c'est que c'est vrai. T'sais. Fait que je me mets. C'est ça. Puis c'est ça, je pense que les fonds du Québec, c'était pas rendu l'an dernier. Là. J'avais donné, moi, sur le site internet. J'imagine que ça doit s'être rendu, non? Non, mais. J'imagine. J'ose espérer. Non. J'espère aussi, mais moi, dans le fond, moi, c'est les dons avaient été accumulés surtout sur internet, justement. Puis voilà. C'est triste. Ouais. Mais bon, on peut pas savoir à l'avance. Ben non, mais c'est ça. C'est ça. Hein, je pense que l'intention était là. L'intention était là. Voilà. Voilà. Donc, on va se quitter quelques minutes. On va prendre une petite pause, aller entendre l'Info Campus et tout ce qui l'entoure, qui va avec ça, mais qu'on mentionne pas parce qu'on veut pas vous dire il y a des pubs qui s'en viennent. On dit pas ça. C'est l'Info Campus. Dans quelques minutes, on aura la chronique de Michel Lebrun. Oui, on parle de justice juridique. Oh! Oui! Oh! Tiens-toi tranquille. Oui, c'est ce que je vais faire. Il y a 8h30, David Ferron et La Langue dans ton oreille qui va nous parler de l'autre gala de la disque. C'est dans quelques minutes. Pour l'instant, l'Info Campus, restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis ce mardi 6 novembre 2012. Oui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, et on doit vous avertir qu'on sait qu'on a un problème avec le stream en ce moment. Arrêtez de nous le dire. Ouais, non, mais c'est très bien que vous nous le dites et on veut vous rassurer parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont passés du stream à la vraie radio, ce qu'on appelle un appareil radiophonique à modulation de fréquence. Tu vas sur le 89,1 avec ta petite roulette pour les boutons. Ça, je pense que les gens ont fait ou numérique, ça. Là. Maintenant, ça peut être numérique. Non, sans faire, j'inflate le tapis. Mais ceux qui sont rendus sur un radio nous entendent maintenant et savent. Maintenant, parce qu'on vient de le dire qu'il y a un problème avec le stream. Oh ouais. C'est normal. Donc, que ce soit l'application C'est fou sur iTunes, que ce soit TuneIn Radio, parce que vous pouvez nous écouter là-dessus sur Android. Si vous avez un téléphone Android, c'est très, très intéressant. Et le stream iTunes, etc. Donc, ça marche pas. Mais c'est ça. C'est bien. Ça va revenir. Ouais. On entend juste la musique. Mm-hmm. Ça doit être bon. Ça griche. Ça doit être pas mal bon, juste la musique, non? Cette émission-là? Non? Donc, on y va avec du contenu de qualité maintenant, c'est-à-dire pas moi. C'est Michel Lebrun aussi, panier à salade. Bon matin, Michel Lebrun. Bon matin, bon Mathieu. Matin. François, est-ce qu'il faut que je chante pour que les gens m'entendent? Ouais. Oh, bonne idée, comme une comédie musicale. Michel Lebrun, ça va bien. Là, on parle de non, je vois une comédie musicale le matin. Même pas ça, il est contre ça. Je suis un peu contre ça, moi aussi. Ah, yeah! Moi, j'ai décroché avec Épopée Rock. Ça fait un bout, mais ça a recommencé les reprises de ça, je pense, à la prise 2. Hein, fait que... Es-tu ouais, sérieux? Je te jure. Ah, ben là, essaye ça. Peut-être que ça va revenir. Estomaqué. Peut-être que le goût va me revenir. En entendant les discussions qui finissent en chanson. C'est là, beau. C'était profond. C'était naturel, beau. Je trouve. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Ah, on va parler d'alcool au volant. Je vous avais dit la semaine dernière que je vous en reparlerais peut-être parce qu'il y avait une décision qui sortait vendredi dernier. La semaine passée, on parlait des gens qui dormaient au volant. Aujourd'hui, on va parler de technologie et de la qualité de des appareils qui servent à mesurer l'alcool. Et puis... Je partais pour dire, nous, les avocats qui défendons des gens qui sont dans cette situation-là, on a toujours eu l'opinion qu'il n'y a pas de machines qui sont infaillibles. Et non. Justement, aujourd'hui, on voit que la technologie, même ici au studio, peut parfois présenter certaines défaillances. J'espère que les appareils de ça seront meilleurs que les appareils qui diffusent notre radio sur Internet. J'aimerais ça. J'imagine qu'ils le sont dans une certaine mesure, mais encore une fois, on a aujourd'hui la preuve qu'il n'y a rien d'infaillible. Hein? Les navettes spatiales peuvent s'exploser, les centrales nucléaires. C'est vrai. Bon, et puis... Je vous dirais, avec les années, le problème de l'alcool au volant, je pense que la société évolue vers la technologie. Puis lorsque j'étais aux États-Unis dernièrement, on suivait des formations et puis un professeur disait l'effet CSI. Il appelait ça l'effet CSI. Et c'était drôle parce que j'ai essayé de retrouver le lien vers ça, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais il montrait une annonce sur YouTube de shampoing. Et puis, on voyait comment un paquet de chiffres qui apparaissaient à côté du shampoing pour dire comment est-ce que des espèces de print-out ou des choses comme ça qui donnent. Il disait ça donne un aura de qualité au produit. Ça donne un aura. Oui, c'est ça. Et puis, on est porté. Il y a un côté presque. On s'incline devant la technologie maintenant. Et ça peut avoir, dans une certaine mesure, on peut abuser de cette confiance-là, d'après moi. Et puis, ça peut amener à la condamnation de personnes innocentes. Et puis, la société évolue un peu dans ce sens-là. Je vous dirais, dans les années 50-60, l'alcool au volant, c'est sûr qu'il y a eu de l'éducation, puis les méfaits de l'alcool au volant, puis le carnage et tout ça, c'est bien documenté. Et puis, il y a eu des mesures qui ont été prises pour contrer ça au cours des années et rendre la lutte à l'alcool au volant plus efficace qu'autrefois. Puis, si on pense aux années 50-60, les véhicules n'étaient pas très sécuritaires, mais les gens conduisaient souvent même en buvant. La bière, c'est du genre. Oui, c'est ça, la fameuse bière. Et puis... Le premier concept qui a été développé, c'est celui des facultés affaiblies. C'est celui qui on parlait pas d'un taux d'alcool, on parlait de l'effet que l'alcool a sur une personne. Et en fait, le danger qu'on veut protéger ou qu'on veut prévenir, c'est ça. C'est pas que les gens aient un taux X ou Y, c'est que les gens conduisent alors qu'ils sont pas aptes à conduire et que ça a affecté leur capacité. Et puis, cette infraction-là, c'est la première qui a été développée. Elle existe encore aujourd'hui, c'est celle d'avoir, lorsque ta capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool, et ça peut être aussi par l'effet d'une drogue, la personne... Et le sommeil aussi, je pense. Hein? Même quelqu'un qui pourrait être très fatigué et qui prend un petit peu d'alcool. En fait, si on est juste seulement fatigué et on conduit quand même, on pourrait... finir par être accusé, il y a une autre infraction qu'on appelle conduite dangereuse parce que on n'est pas affecté par l'alcool, on n'est pas affecté par une drogue, donc on n'est pas coupable de l'infraction, je dirais, d'alcool au volant. Okay. Mais dans certains cas, lorsqu'il survient des accidents graves et qu'on se rend compte que quelqu'un n'avait pas dormi depuis deux, trois jours, des fois, les camionneurs, on a ce problème-là. Ces gens-là vont être accusés d'autre chose. Ils vont être accusés d'avoir conduit dangereusement, point la ligne. Okay. C'est une infraction qui existe aussi au cas de criminel. Mais quand on parle de l'alcool au volant, qui a causé de nombreux accidents qui en causent encore aujourd'hui, on a commencé par s'attaquer à l'effet et là, on faisait témoigner des gens. On fait témoigner et on fait encore témoigner aujourd'hui. Exemple des policiers qui vont dire, écoutez, ils marchaient croche. Il y avait des sauts d'humeur. Il y avait la bouche pâteuse. Une série d'observations qui peuvent permettre de conclure que la personne a des facultés affaiblies et n'était pas apte à conduire à cause de l'alcool. Par contre, avec les années, on a développé des appareils pour essayer de mesurer ça, parce que les gens avaient aussi des explications pour ces symptômes-là. Donc, il y a des gens qui réussissaient parfois à échapper à une condamnation en expliquant une multitude de symptômes. Donc, on a développé des appareils. Et dans les années 60, l'appareil qui a été développé, qu'on appelait le breathalyzer, c'est un appareil qui a évolué au cours des années. Mais le principe derrière le fait de souffler dans un appareil et de mesurer un taux d'alcool, n'a pas vraiment été modifié au cours des années. Ce qui a changé, c'est plus la présentation de ces appareils-là et aussi la façon d'enregistrer les résultats avec l'informatisation. Maintenant, c'est plus digital, comme tu disais, François. Okay. Puis on voit plus... les chiffres sortent un peu mieux. Et il y a tout un système d'imprimantes en dedans et de contrôle interne qui sont maintenant informatisés. Mais le principe de l'air qui sort du poumon et qui est analysé par un appareil... Ça reste le même. Reste le même. Et je vous dirais, autrefois, si vous aviez vu les anciens appareils qui ont été utilisés jusque dans les années 90, ben c'est des appareils qui ressemblaient... Un Américain avait déjà dit, ça ressemble à une grosse batterie de char. Là. vous voyez, comme dans les vieux films, là, des boutons et des aiguilles qui se promènent un peu partout. Et le policier qui est avec son pad à côté, puis qui prend des notes, et puis qui regarde où est-ce que l'aiguille s'en va. Puis là, ben, qui écrit ça sur un papier. Donc, ces appareils-là, qui étaient quand même de bonne qualité, lorsqu'ils étaient bien opérés, ont été mis de côté, pas parce qu'ils n'étaient pas vraiment aptes à donner des bonnes lectures, mais principalement, comme aux États-Unis, où on plaide souvent devant le jury, ben, il y avait le problème déjà de la crédibilité du policier, l'accusé qui disait, ben, c'est pas vrai, il a marqué le mauvais chiffre ou tout ça. Il fallait se fier. On avait un appareil, mais c'était le témoignage encore d'un policier qui disait que l'appareil avait donné tel résultat. Donc, on a développé des appareils qui donnent maintenant qui sortent des print-outs. Mais ces appareils-là peuvent quand même, selon les scientifiques, être trafiqués. Mais on dirait qu'avec le temps, on leur a donné une aura un peu plus... Ils ne peuvent pas se tromper. Lorsqu'on voit leur chiffre sur un print-out, on devient... Ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai. Maintenant, on peut jouer à Angry Birds, ces machines-là, en plus. On peut jouer à Angry Birds sur toutes les machines à cette heure. Fait que pourquoi pas les breathalyzers? Ben, une chose qui est curieuse, par contre, c'est que les policiers disent, déjà, lorsque c'était ce vieil appareil-là, ils disaient que les avocats étaient paranoïaques, qui défendaient des gens, que ces machines-là étaient pratiquement infaillibles et que les policiers disaient toujours la vérité et tout ça. Pourtant, on a mis de côté ces appareils-là pour des appareils qui donnent des lectures avec des print-outs, des choses comme ça. L'appareil qu'on utilise maintenant, par exemple, à Trois-Rivières, on appelle l'intoxilizer 5000. Quand ils disent 5000 dessus, Mais c'est pas toute la même machine partout? Non. La Société du Québec utilise un autre appareil qu'on appelle le RBT4. Il y a diverses compagnies qui approchent divers corps de police. Chaque compagnie dit que son appareil est meilleur que l'autre. C'est sûr. Mais les policiers, peu importe l'appareil qu'ils ont acheté, eux prétendent que les appareils sont infaillibles. C'est tout à fait faux tout le temps. Ça peut pas être justement, c'est là qu'on va en venir aux contestations qu'il y a eu récemment. Mais même Intoxilizer, qui produit l'appareil qui est utilisé actuellement à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, dans des corps de police municipaux au Québec... l'appareil qu'ils vendent actuellement, c'est le 8000. Fait que, ils sont trois générations plus loin que l'appareil qu'on a maintenant. Mais l'appareil qu'on a maintenant est supposément parfait. Alors, on se demande même pourquoi qu'on invente des nouveaux appareils. On charge. Et si vous voyez le nombre de modifications qu'il y a à chaque année sur ces appareils-là, c'est un peu comme un ordinateur. En autant qu'ils mettent pas Windows 8 dessus, ça marche. c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas un projet Apple. Mais c'est quoi? C'est la rapidité des résultats qui change? Ça reste des appareils, on pense qu'on les a automatisés, mais ça prend... il y a des principes scientifiques en arrière de ça. En gros, un appareil, ce que la loi prévoit, c'est un taux d'alcool dans le sang. Oui. Déjà là, on souffle dans un appareil, on donne pas une prise de sang. Donc, cet appareil-là doit faire un genre de ratio entre ce qui sort de tes poumons et ce qu'on aurait dans le sang. Ce ratio-là est calibré à un ratio qui est précis, alors que dans la population, il y a une fourchette de ratio. On l'a mis vers les policiers ou le gouvernement va dire qu'ils donnent une chance aux coureurs parce que ils ont mis ça, supposément un ratio qui devrait avantager, donner une chance aux coureurs, dans le fond. Mais les pneumologues ou les études qui ont été faites au cours des années démontrent que il y a des gens qui sont désavantagés par ce ratio-là. Que le ratio entre ce qui sort de leur poumon pour donner une lecture, pour donner une estimation de ce qu'ils ont dans le sang, ben ça surestime ce qu'ils ont dans le sang parce que le ratio pour ces personnes, ces individus, okay. Et ça, on n'est pas capable de les détecter. Et le même principe, écoute, je me bois une bière, là, mettons, exemple, je la cale et puis je souffle tout de suite après, mais c'est sûr que je vais péter... Une seule gorgée... Je sais pas combien, mais dans le sang, t'en retrouves pas? Non, effectivement, parce que je vais avoir de l'alcool dans la bouche, il n'y aura pas le temps d'aller dans les poumons. Si je prends une gorgée, tout simplement une gorgée, là, on l'a déjà vu lors de formation des cours là-dessus, effectivement, quelqu'un souffre après avoir pris une seule gorgée, puis il peut souffler 200 mg, et peut-être à trois fois la limite légale, parce que le test a été mal fait. Fait que même un bon appareil, il faut qu'il soit bien utilisé aussi. Et bon... Au cours des années, c'est ce débat-là qui a évolué au cours des années, puis qui nous a conduit la semaine dernière devant la Cour suprême. Évidemment, il y avait une défense qui avait été développée, on appelle la défense de Carter, où les juges disaient, ben, sur le principe, on n'a pas été à la merci d'une machine, mais l'accusé venait expliquer au juge ce qu'il avait consommé comme alcool et... Savoir si son histoire se tient. Ben, c'est ça. Lui, il racontait son histoire et puis il donnait son poids, sa taille, tout ça. Et le chimiste venait et il disait, ben, avec ce qu'il dit avoir bu, il devait avoir 50 mg. Ce qui avait pour effet de choquer un peu les forces de l'ordre et le gouvernement, le ministère de Justice, la Couronne. Il disait, écoutez, on a un appareil qui est fiable, qui donne une lecture qui est fiable. Et là, vous avez quelqu'un qui dit, et qu'on peut pas vérifier, dans le fond, là, on peut pas vérifier ce qui est son histoire parce que les policiers n'étaient pas là, évidemment. Non, ils l'ont pas suivi toute la soirée. Consommait son alcool. Donc, en tout cas, c'est assez rare que ça arrive. Et puis, il disait, cette défense-là, c'est un peu farfelu parce que je vous donnerais, si je me mets du côté de la police, puis c'est un peu compréhensible ce qu'il avait comme opinion. Je vous donnerais l'exemple, si j'ai une empreinte digitale qui est de moi qui ai retrouvé sa scène d'un crime, puis que j'entre à mon procès, je m'occupe pas de cette empreinte-là. On est sûr que c'est mon empreinte. Et puis moi, je dis, ben non, c'est pas vrai, j'étais chez moi. Puis, et le juge dit, ben, ça a l'air ce qu'il dit. Il y a de l'air crédible, il y a de l'air bien fin. Donc, je peux pas rejeter son témoignage. Donc, j'écarte l'empreinte. À un moment donné, ce que les policiers disaient, c'est qu'on devrait aussi tenir compte de l'appareil et on devrait accorder une certaine, je dirais, crédibilité, entre guillemets, à cet appareil-là. Donc... Mais, en fait, ce qui est amené à la cour, c'est toujours le résultat. C'est jamais tout le processus dans lequel ce test-là a été fait. Et puis, ce que la Cour suprême a décidé vendredi, c'est que, oui, ils ont maintenant démontré que cet appareil-là bénéficiait était suffisamment fiable pour que... on puisse interdire aux accusés de venir... De contredire. De contredire ça en expliquant qu'ils avaient consommé telle quantité d'alcool. Okay. Ce qu'on dit, c'est que maintenant, on devra prouver de façon... on devra aller dans le fonctionnement de l'appareil. On devra dire, ben, quelle erreur le policier a fait ou quelle erreur ou quel mauvais fonctionnement ou quelle mauvaise utilisation de l'appareil a été en cause dans ce dossier-là. Et là, à ce moment-là, on n'aura même pas besoin de témoigner pour venir contredire le résultat de l'appareil. Ce qui fait que ce qui était autrefois une question de crédibilité des accusés va devenir une question de crédibilité de l'appareil ou du processus technique qui est sous-jacent à ça. Au Canada, ça représente une révolution. Là, pour il y a des milliers de dossiers qui attendaient le résultat de ce jugement-là de la Cour suprême. C'est un jugement qui fait 104 pages. Là, je vous le résumerai pas au complet. Là, je vous dirais ça. Après, ça porte à boire un peu là, après avoir lu tout ça. Là, la Cour suprême écrit beaucoup et puis des fois ça s'embourbe un petit peu. Par contre, ce qui pour nous les avocats de défense est un peu paradoxal dans tout ça, c'est que la technologie a évolué peut-être pour les appareils en question, ben, ils évoluent puis ils doivent s'améliorer, j'imagine. Le fait qu'ils s'améliorent, ben, pour nous, c'est une preuve qu'ils sont pas infaillibles. Mais d'un autre côté, la technologie qui permettrait de valider ces tests-là aussi a évolué. Puis une technologie qui est fort simple et qu'on retrouve dans tous les dépanneurs aujourd'hui, dans toutes les guichets automatiques et dans bien des maisons privées même, c'est celle de la caméra vidéo. Nous, ça fait des années qu'on dit au corps de police, ben pourquoi vous dites qu'on ment ou que nos clients mentent, lorsqu'ils disent qu'ils étaient pas si chauds que ça, qu'ils n'étaient pas si chancelants que ça, qu'ils n'avaient pas la bouche si pâteuse que ça, ou lorsqu'on attaque un peu le fonctionnement de vos appareils, pourquoi vous installez pas des caméras vidéo dans le poste de police. Salle d'hiver sa mère. Et on va voir l'accusé. On va voir à quel point vous dites vrai lorsque vous dites qu'il a des symptômes d'ébriété. Ça a l'air évident. Et on va vous voir et on va vous entendre opérer ces appareils-là. Ben c'est important de les entendre aussi, mais c'est des appareils qui émettent souvent des sons pour indiquer des choses d'erreur. L'Ontario, je vous dirais, est allé beaucoup dans ce sens-là. En Ontario, on envoie des vidéos et, curieusement, ça entraîne, évidemment, c'est plus facile de convaincre un client de plaider coupable ou lorsqu'on peut lui montrer que ce que les policiers disent est vrai. Mais à l'inverse, il est arrivé des cas où on voyait des policiers opérer des appareils pratiquement comme à coups de pied. Là, où, j'ai certains experts qui nous ont sorti certaines vidéos, des best-of, là, où... des bloopers. Ouais, c'est ça. Et puis, mais je pense que les policiers n'ont pas le choix de passer à cette étape-là parce qu'on est rendu là. C'est sûr que c'est pas le fun de travailler dans la vie, d'avoir une caméra qui nous suit tout le temps. Mais lorsqu'on arrête quelqu'un... Oui, tu représentes la loi, là. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, on dit... on prétend avoir une crédibilité, mais on fait pas preuve de transparence. C'est en ça, même temps. C'est ça, exactement. Et puis, je vous dirais, c'est même au Québec, il y a eu des expériences qui ont été tentées, des caméras vidéo qui ont été installées, mais ils les ont enlevées par la suite. Et ça, c'est un peu étonnant parce que la technologie, comme vous savez, on voit aujourd'hui, si j'ai quelqu'un qui est accusé de vol à l'étalage chez Rona, l'entrepôt ou des magasins de ce type-là, ben, on reçoit des vidéos qui sont d'une qualité exceptionnelle. C'est HD, 1080p, c'est ça? Zoom in, zoom out. Deux, trois angles. Ah ouais, oui, c'est phénoménal. T'sais. Alors qu'autrefois, c'est vrai que les caméras vidéo, dans des... là, une quinzaine d'années, ben, c'était des VHS. Et chaque fois qu'il y avait un hold-up ou quelque chose dans un dépanneur, la cassette était là depuis 2 ans. Puis, mais dans CSI, tu pourrais zoomer, par contre, avec l'effet CSI, là, zoom là-dessus. Ouais, c'est vrai. Enhance, améliore l'image. Je dis tout le temps ça, c'est comme si tu pouvais, genre, améliore l'image. Ah ouais, oui, puis je pense qu'il y a vraiment un effet CSI, puis je pense qu'il a atteint la Cour suprême. Là. quand je disais cette décision-là, on se fie à un peu... certains experts, des questions qui sont très controversées parce que ce dossier-là, avant d'arriver à la Cour suprême, il a été plaidé à Sherbrooke. Il y a de nombreux experts qui ont été entendus qui mettaient en doute certains aspects de ces tests-là. Et pour la Cour suprême a comme tout évacué ça. On est en 2012. Là, en gros, ils disent si c'était pas bon, on n'aurait pas. c'est peut-être le nom d'une... c'est ça devrait pas, on l'a. C'est une chronique. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. J'avais entendu ça ici. C'est fin, c'est fin. Mais. Fidèle auditeur. Aussi, je trouve que on est dans une situation où des gens vont avoir des difficultés à se défendre contre la technologie. On parle des tests ADN, on parle des tests des tests d'invraisemblance. Et. Si le gouvernement ne se donne pas les mêmes obligations de transparence, ben, je pense qu'il y a un déficit à quelque part. Là. On invoque une infaillibilité d'un côté, mais on refuse la conséquence de cette infaillibilité-là. Selon moi, ça serait la transparence. Ça serait de dire, ben, venez au poste, venez voir nos appareils, puis vous allez voir que tout ce que vous attaquez, c'est futile. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, je vous dirais. Ben, une mauvaise nouvelle. Les gars vont devenir les demandes d'informations vont devenir axées sur la technologie, donc ça risque même de rallonger les procès. Okay. Ça va être des guerres technologiques. Le système qu'on avait avant fondé sur le témoignage d'un accusé. Ça fonctionne. Qui était axé vers les facultés affaiblies. Le témoignage aussi des policiers qui disaient, ben écoutez, il y avait de l'air en état d'ébriété. Ben, c'est peut-être une époque révolue et là, on va peut-être s'embourber dans des guerres technologiques. C'est ce qui est ressorti de la décision de la Cour suprême. Oui, c'est ça. OK. Donc, le gouvernement conservateur avait passé une loi en 2008 pour rendre pratiquement incontestable ces tests-là. Et c'est ça qui a été attaqué. Et c'est ça le jugement que la Cour suprême a rendu la semaine dernière. Ce que le gouvernement avait ajouté, c'est de dire, dorénavant, pour être acquitté, vous devrez prouver ce que vous avez consommé comme vous le faisiez avant avec votre chimiste, mais vous devrez prouver pourquoi notre appareil s'est trompé et pourquoi cette erreur-là a entraîné une lecture plus haute que celle que la limite légale. Donc, on n'avait aucun accès à l'appareil. Lorsque l'accusé va voir son avocat, ben ça fait 3-4 jours et donc l'appareil n'est plus dans les mêmes conditions. Mais il fallait... rewinder et essayer de trouver ce qui avait mal fonctionné sans l'utilisation d'une vidéo, sans qu'on ait à peu près quelque information que ce soit. La Cour suprême a dit, oui, dorénavant, vous devrez prouver que ce qui n'a pas fonctionné au niveau de l'appareil, vous n'aurez pas à prouver plus que ça. Par exemple, dès qu'il y aura une mauvaise utilisation, vous aurez soulevé un doute raisonnable, vous n'aurez même pas besoin de faire témoigner votre client. Donc, on évacue un peu la question du témoignage de l'accusé. Il n'y aura plus à démontrer qu'il était en bas de 80, il y aura à démontrer qu'il y a eu une erreur au niveau de l'appareil. Okay. Mais là, on a. T'as pas non plus. En fait, là, tu vois pas comment ça a été. Ça, à ce niveau-là, ça change pas là, l'utilisation de l'appareil, la manipulation. C'est ça. T'as pas plus d'informations à ce niveau-là. Ben là, la guerre part de ce côté-là. De toute évidence, ce qui va arriver, c'est que les avocats vont demander énormément d'informations sur les entretiens, les achats, vous l'avez acheté où, vous faites un entretien annuel, faites-vous... Il y a toutes sortes d'exigences. Ces exigences-là sont respectées de façon un peu différente d'un corps de police à l'autre. Et... je pense que du côté gouvernemental, suite à cette décision-là, ils vont avoir la difficulté à justifier le passé, d'après moi, dans un contexte où, justement, on n'a pas accumulé assez d'informations pour permettre aux gens de se défendre. Fait que ça va être la prochaine bataille qui va se livrer. Là. OK. Mais, enfin, les choses deviennent plus difficiles. Le gouvernement conservateur, comme je vous disais, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un autre ça n'a rien à voir avec ce dont je vous parle, mais aujourd'hui, entre en vigueur, d'ailleurs, on est le 6 novembre. Je ne sais pas si on choisit l'élection américaine, mais le jour des élections américaines, mais c'est le projet de loi C-10 dont je vous ai déjà parlé, les conservateurs imposent maintenant des peines minimales. Là, des peines minimales dans des cas, par exemple, de quelqu'un qui des gens qui font pousser du cannabis. À partir de 6 plants de cannabis, les gens vont être condamnés à 6 mois d'emprisonnement. Donc, c'est un jour... Six mois, c'est tout des six, c'est comme la diable, cette affaire-là. Vous avez bien raison. Ben oui. Six plans. Ben oui. Six plans, six puis mois. Puis le mois de novembre, le mois des morts. En plus, hein? Jour du souvenir, etc. En tout cas, ça va peut-être avec la petite musique d'intro de cette chronique-là. Très épique. Cette semaine. ça va moins bien cette semaine pour les accusés. Et calme. Donc, c'était la chronique de Michel Lebrun. On le retrouve mardi prochain à 8h. C'est panier à salade. On adore cette chronique-là chaque semaine. Oui, tout à fait. Tu disais joaillerie. C'est comme un bijou. On l'a dit ça au début de l'émission. On avait dit un compliment. On cherchait des mots en J. Joaillerie, bijou. Ta chronique, c'est un bijou. Hein? C'est beau, hein? Ah. Ouf, je ne sais que dire. je ne sais que dire. Un autre mot en J. On va se quitter en musique avec Placard, une nouvelle entrée du palmarès francophone. La pièce s'appelle Dis-moi et on pourrait compléter en disant Dis-moi, t'as-tu bu? C'est pour ça. Si on veut faire la semaine prochaine. On revient tantôt avec la chronique de David Ferron. Retour, David Ferron nous parle de l'autre gala de la disque à Assemblage Ruki. Restez là. Assemblage Ruki pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à Assemblage Ruki. Angélie Durocher vernira son index pour mieux pointer son choix de la semaine. Jasmine Raymond-Raville nous parlera des plus récentes activités de la GEQTR et Maxime Bilodeau pédalera assez fort pour générer de l'énergie pour sa chronique d'une foulée à l'autre. Hein, j'en fais-tu des beaux liens, François? C'est incroyable. T'aimes ça hein, quand je parle de même? Assemblage Ruki est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Il est 8h34, François-Olivier. Mathieu Plante. Marchand, oui, Mathieu Plante. Hey, matériaux de qualité, puis ouais. Je vois comme ça là, un individu qui a de l'air un peu louche, et puis... Ah, j'aimerais ça que vous le voyiez à la maison, il est drôle. Hey. Comme un ça, petit rat, ça, un hamster. C'est incroyable. Ça prendrait une webcam. Vraiment. Oh. Juste pour ça. Oh. Juste pour ça. Ah, oh, j'ai envie de sortir mon iPhone 5 ouais, avec mon appareil photo et vidéo et puis prendre une vidéo. OK, je vais vous mettre ça sur Facebook. OK, OK. Je passe ça. OK. David Ferron, regarde-nous, fais ce que tu as fait tantôt. N'importe fait... quoi. Ah ouais. Allez, allez, allez. Excite-toi, fais ton hamster. Eh hey boy. Oh, mon Dieu. Oh. Incroyable. Okay. Incroyable. Bon, ben c'est bien beau à radio tout ça. C'est quoi tu vas faire avec ça? Je sais pas. Tu vas ruiner ma carrière de chroniqueur. Probablement. Ouais, ben, fais ça là. Ok. On va partir sa chronique. Voici la langue dans ton oreille. Attention. Joue tam tam. Ah, il n'a pas imité le chat, je pensais qu'il a imité le chat. Mais non, je voulais laisser le chat parler par lui-même. Là, je trouve que le chat. Il est assez grand, là. Oui, exactement. Ouais. C'est un être mature et intelligent. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Je sais pas. J'ai envie de filmer la chronique au complet. Parce que allô, fais-moi ça. Ah ouais. Oh, vulgaire, ok. Là, il faut que j'arrête, c'est trop vulgaire. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, François, aujourd'hui. Hey. Il fait des beaux yeux. Puis j'ai fait ça à Matt, puis à toi, je fais ça. Il a fait un finger à moi et à toi, un pouce en l'air. Bon, c'est clair. Puis je pourrais rajouter tes numéros 1. Là, j'enregistre plus. J'ai fini la vidéo. Ça va être sur Facebook tantôt. Donc, David Ferron, la langue dans ton oreille. Aujourd'hui, tu nous parles de l'autre gala de la disque. C'est le gala de la disque, dans le fond, accessoire. Celui qui est moins important pour la disque et qui diffuse à des heures de pas d'écoute sur des chaînes de pas de musique d'habitude. Oui, exactement. En fait, parce que Mathieu, justement, l'autre fois, se trouvait que les journalistes, certains journalistes se plaignaient que le gala de la disque était trop... était pas assez mainstream, exact. Si je peux dire ça comme ça. Je suis allé là-dessus, ouais. Et pour... compenser ton cœur brisé par la remarque des journalistes et pour encore faire notre François qui déteste mes chansons. Alors, c'est pas si pire que ça. Là. Tu te fais passer pour une brute. Là. Ben oui, t'en es une. Oh. Grrr. En fait, je vais vous présenter trois artistes ou trois groupes qui se sont illustrés à l'autre gala de la disque. Dans trois catégories différentes, c'est-à-dire monde, instrumental et alternatif. Cool, très cool. Et alternatif, je le présente en dernier. Et juste une petite parenthèse, sans enlever le mérite des deux autres artistes ou groupes, ça va vous renverser. Tu mets la barre haute en nous disant ça, là. On fait des attentes, là. Oui, mais c'est ça qui est le fun. J'aime ça faire mon agace. Oh! Oh! Vous allez voir, c'est prometteur. Donc, l'autre gala de la disque s'est tenu le 22 octobre 2012 dans l'ignorance totale ou presque. Ben, c'est ça. C'était quoi? C'était la Musique Plus encore, comme d'habitude? Musimax, peut-être? Ouais, ben, quelque chose comme ça, là. Ouais. Donc, je vais vous présenter le premier groupe, l'orchestre, avec un K et non un CH, des Pas Perdus. Qu'est-ce que ce groupe, composé de 8 à 9 personnes, ça a été fondé en 93, donc ça fait 19 ans que ce groupe-là existe. Ils ont sorti 5 albums, dont le dernier qui s'appelle L'âge du cuivre. Mais pourquoi L'âge du cuivre? C'est vieux? Ben non, pas du tout, c'est frais quand même. C'est qu'en fait, presque tous les musiciens, c'est des joueurs d'instruments avant. Par exemple, dans le groupe, on retrouve une trombone, une trompette, un cor, un saxophone, un alto, un saxophone ténor, un saxophone baryton, un tuba et, devinez quoi, une batterie. Pas une batterie. Oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, c'est pour. Ben pour donner du rythme. Et voilà, comme un métronome. Tandis que les autres instruments apportent un souffle de fraîcheur et de dynamisme. Et grâce, justement, à cette originalité-là, ça a permis au groupe, en 20 ans, de parcourir partout. En fait, de parcourir le monde, c'est-à-dire Taïwan, le Mexique, en France, aux États-Unis, en Espagne et au Québec, notamment, évidemment. Et la pièce que je vais vous présenter, en fait, L'âge de cuivre, ça a été en nomination pour le meilleur album instrumental et... Une des chansons qui est tirée de cet album-là, c'est Carpe Diem. Et non, inquiétez-vous pas, c'est pas un cover d'une chanson de Lara Fabian. C'est une composition originale. Tu nous rassures. Pourquoi j'ai sorti ça comme référence? En tout cas, c'est vraiment Carpe Diem de la part de l'orchestre des Pas Perdus. Yeah. Bon, ben bon, ça! Ouais, ça ferait un bon indicatif musical pour une émission. Ben, toi, t'es bon pour avoir des nouvelles chroniques, des nouvelles émissions entre les sessions et tout, là? Non, j'ai plus d'imagination. J'aime trop le concept de la langue dans ton oreille. Je sais pas qui a pensé à ça, mais c'est génial. Un gars qui met des langues dans les oreilles. Bon. Oui, c'est ça, je fais juste ça dans ma vie, mettre la langue dans l'oreille des gens. Donc, on écoute la chronique de David Ferron, oui, qui est avec nous en studio comme ça, qui nous présente l'autre galette de la disque. Oui, ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est le groupe L'Orchestre des Pas Perdus avec Carpe Diem. Et vous allez voir, ça, en fait, c'est tiré de l'album L'Âge du Cuivre. La pièce qu'on a entendue, elle est assez sautée, si je peux dire ça comme ça, au niveau de l'intro. Il y a des sons assez expérimentaux, mais le reste de l'album, c'est très bon aussi, mais c'est plus jazzé. Okay. Pas ordinaire parce que c'est extraordinaire comme groupe, mais c'est plus en terrain connu. Vous allez pas être déstabilisé ou vous arracher la tête. C'est très agréable, c'est très frais quand même. Donc, si vous avez l'occasion de découvrir un groupe instrumental qui va vous rendre heureux, allez vous procurer L'Âge de cuivre de L'Orchestre des Pas Perdus. L'orchestre. Moi, je vais le faire. Yeah! Oui, non, mais c'est sûr, j'adore l'instrumental. Je trouve qu'on n'en joue pas assez fou. Je préfère la musique sans parole à la musique à parole. Et pourtant, on ne joue que de la musique à parole. Mais mettons que Lisa Leblanc ne chanterait pas. Oui. Ah! Dans le fond, le problème, c'est Lisa Leblanc. C'est pas mal, le problème est pas mal Lisa Leblanc en général dans la vie. Perspicace, mon David. Ben oui. Perspicace. En plus d'être cute, charismatique. Humble, surtout. Mais ça, je le laisse aux autres, humilité. C'est ma générosité. Je laisse ça aux autres. Je suis généreux de même, moi. T'as un grand cœur, hein? Ben oui, je le sais. Tu partages avec tout le monde. Oui, surtout avec François-Olivier Marchand. Oh, ouais. Wow, hein? Déclaration ce matin. Je suis choyé. Écoute, je suis subjugué. Oui. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui. Et d'autres phrases comme ça, belles. Ouais. Belle phrase. C'est comme ça. Hein? Mais t'es beau quand tu le parles pas. Le froid est arrivé. Hein? Est-ce que tu veux que je te réchauffe? Ah, écoute, c'est une bonne question, tu sais. Laisse-moi y penser. Tu sais, t'es pas obligé de répondre avant que j'agisse. N'importe quoi. Flatte donc, Mathieu, dans le sens du poil. Oui, attends. Je vais te passer mon bras, là. Yeah. Oui, c'est tout doux. Ça se rendait pas. Ben, c'est Mathieu, vrai que c'est doux. Hein. Hey, Mathieu, il se lave avec du Dove. Non, j'ai changé. C'est un nouveau savon pour peau sensible. Ah. C'est à fil. C'est de qualité et c'est vraiment bon. Mmh. Un pouce en l'air. Non, deux. Ben, parce que l'autre, il y a un téléphone dans la main. Ah. Il est en train d'essayer de poster pour la troisième fois la vidéo de David en train de faire ses niaiseries. C'est pas nécessaire d'aller voir ça. Je pense que c'est vraiment fait pour que je puisse pas le poster pour vrai. Yeah. C'est encore quelques minutes. On y va avec ton deuxième choix de la semaine. L'autre galette de la disque dans la chronique de David Ferron. Oui, en fait, c'est un artiste d'origine ivoirienne qui s'appelle Gota Lago. Qui est ce Gota Lago? C'est un artiste multidisciplinaire depuis qu'il s'est installé à Montréal en 98. Il a fait ben des choses. Mathieu, exemple, animer et poster une vidéo, c'est pas de la polyvalence. Mais je réussis pas, c'est vrai. Mais attends que je te dise la feuille de parcours de Gota Lago. OK, je t'écoute. Donc, il a été professeur de percussion et de chant, chorégraphe, pianiste pour un groupe reggae, comédien. Il s'est allié également avec des artistes peintres pour des projets. Et toute cette polyvalence-là lui a permis d'avoir des bourses de la part du Conseil des arts du Canada et aussi du Conseil des arts et des lettres du Québec et remplir des subventions pour ça. C'est laborieux et c'est pas tout le monde qui passe dans ce genre de trappe-là. Donc, bravo Gota Lago pour ça. Monsieur a fait le tour de tous les Mario. Non. C'est fait que... Moins. OK. Puis est-ce qu'il y a Windows 8 chez lui? Une référence de Windows 8 par semaine? Oui! À ta chronique, à date, j'aime ça! Yeah! Alors, je sais pas, mais en fait, Gota Lago, la chanson que je vais vous présenter, en fait, c'est pas dans un de ses albums, c'est plutôt dans un projet multiculturel qui s'appelle Arométis. Arométis, ça vise à rassembler plusieurs artistes de styles différents comme jazz, reggae, folk, etc., qui ont une sonorité, disons, world beat. En fait, c'est des artistes provenant de partout dans le monde qui sont devenus québécois et qui ont décidé, en fait, qui se sont réunis pour faire le projet Arométis. Et la chanson qu'on va entendre de cet album-là, qui était en nomination d'ailleurs pour le meilleur album musique du monde, c'est Montréal Groove. Et ce qui est le fun avec Montréal Groove, c'est que ça vous fait rappeler que malgré tout, Montréal reste une ville festive, joyeuse, accueillante et dynamique. Faut pas l'oublier. Donc, Gota Lago, Montréal Groove. place. Le soleil est apparu dans le ciel de minuit. On a sorti nos djembés pour danser toute la nuit. L'ambiance était au max jusqu'aux éclats du jour. Sur des rythmes endiablés, nous nous sommes trémoussés. Nous nous sommes trémoussés. Le soleil est apparu dans le ciel de minuit. On a sorti nos djembés et dansé toute la nuit. L'ambiance était au max jusqu'aux éclats du jour. Sur des rythmes endiablés, nous nous sommes trémoussés. Nous nous sommes trémoussés. Aïe, aïe, aïe, viens faire la fête. Aïe, aïe, aïe, viens faire le show. Aïe, aïe, aïe, viens faire la fête. Aïe, aïe, aïe, viens faire la fête. Aïe, aïe, aïe, viens faire le show. Aïe, aïe, aïe, viens faire la fête. C'est ici que ça se passe. Tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, tricata, c'était Gotta Lago avec Montréal Groove. Donc, ce matin, si vous n'êtes pas encore réveillé, c'est parce que vous venez tout juste d'allumer votre radio parce que vous n'avez pas entendu la chanson de Gotta Lago et Montréal Groove tirée du projet d'album multi-artiste Aro Métis qui est en nomination pour la catégorie Musique du Monde. Et le troisième artiste que je vais vous présenter, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu que ça, c'est-à-dire N'Gabo. Donc, N'Gabo, qui est d'origine congolaise, s'installe d'abord à Ottawa pour aller vivre à Montréal. Et en 2010, il signe un contrat avec La Tribu. La Tribu, pour vous rappeler, c'est quoi? C'est une maison de disques qui a dans ses rangs Jean Leloup, Ingrid Saint-Pierre, Martin Léon ou encore du moins, mais des artistes internationaux comme Dominique A, M et Caravan Palace. Donc, c'est pas n'importe pas quel. Mal, oui. Mmh. Ouais, quand même. Mmh. Il a été signé par ça. Et en plus, qu'a réalisé son album, devinez qui est le réalisateur de son album éponyme. Ben, je sais pas, là. Devinez. Céline Dion. Marilyn Dibert. Non. Jérôme Minière. Oh. Qui? Jérôme Minière. Ah, Jérôme. Ah, il est bon, Jérôme Minière, pour vrai. Tu vas adorer N'Gabo. Cool. T'as aimé Janice? Oui, j'ai bien aimé ça. Qui a été, dont sa chanson Alias a été un gros hit sur C'est fou. Grâce à toi, entre autres, parce que tu la faisais jouer à ton émission aussi. Ben, tu le faisais jouer aussi, Mathieu. Aussi, mais on s'entraidait. J'essaie de te donner un petit peu de crédit. Parce que Janice le mérite tellement, mais N'Gabo, vous allez voir, c'est le même style. Avec la chanson qu'on va écouter, Cruche de miel, mais le reste, ça fait vraiment penser à l'univers de Jérôme Minière. Le côté électro, le côté mélange avec folk, avec de la musique ambiance. Sérieusement, quand j'ai découvert l'album, parce que je l'ai écouté au complet, j'ai fait comme... Mais qu'est-ce que je faisais pendant 28 années de ma vie? Qu'est-ce que je faisais? Qui suis-je? Pourquoi je suis sur cette terre-là sans découvrir N'Gabo? Qu'est-ce que je fais donc? Wow. En fait, cet album-là, l'album éponyme de N'Gabo, dont est tiré l'extrait qu'on va écouter, Crush de miel, a été en nomination pour le meilleur album alternatif. Bon, il a pas gagné parce que Fanny Blum a gagné pour L'Apprentie guerrière. On la connaît en masse, donc elle n'a pas besoin de plus d'aide de notre part. Là. On la joue comme vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on présente N'Gabo. Et les artistes avec contre qui il était n'ont pas besoin non plus de présentation parce qu'il était contre Antoine Graton, Orange, Lidl, Hourshock également. Quand même. C'est des gros noms. Là. Ouais, des gros noms. Oui, certains diraient qu'il y aurait comme pas de chance un peu. Peut-être, certains diraient. Je comprends pas pour... Ben, c'est parce que la disque... OK, je vais être un petit peu méchant, mais la disque va regarder aussi qu'est-ce qui... Je sais pas. Qu'est-ce qui pogne? Ben, qu'est-ce qui est populaire? Fanny Bloom, c'est pas si populaire, mais c'est connu quand dans même. Dans l'underground, c'est un des plus gros noms de l'underground québécois. Ouais, ouais. Exactement. Ouais, c'est comme Ariane Moffat quasiment. Ben, c'est ça, on appelle ça Big dans l'underground. Dans mon, moi, je dis ça. Ah, ouais? Big dans l'underground. Ah, on peut dire ça? Moi, je dis ça. C'est comme Antoine Graton. Ben, Antoine Graton, il y avait des chances aussi, là, je pense. Écoute, mais ça s'en va. Écoutez, il était bon son album, l'avez-vous écouté? On n'a pas reçu son plus récent. Ah, ouais? On l'a. MP3, mais on le fait pas jouer parce qu'on l'a pas, fait que ça, on n'a pas tendance à le voir. Tu sais. Antoine, moi, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Envoie-le ton album si tu veux avoir de la popularité sur C'est fou comme un 9 FM. La radio Campus de Trois-Rivières. Oui, qu'est-ce que tu fais, Antoine? Avec David Ferron. Oui, c'est la langue dans ton oreille. Ah, vas-y. Ben, pas dans Antoine Graton, mais dans ma chronique, la langue dans ton oreille. La langue dans Antoine Graton. Non. Mais ça goûte le fromage. Hein? Ça goûte le fromage, Tony Graton. Tony Graton. Moi, j'appelle Tony Graton. Ah. Et là, donc, on va écouter l'artiste N'Gabo avec la chanson Cruche de miel. Dans l'assemblage requis. Avec, oui. Chose le David Ferron. Oui. Le même que tantôt. Je pense que. On s'est tombé dessus au fond d'un ballon à cognac. Comme une pierre, je roulais toute ma vie. Je n'amassais aucune mousse. Je tiens le clou, yeah. Tu balances le marteau. Des fois ma nature de chasseur me rattrape, frappe, tape. Y'a qu'une viande au monde, y'a qu'une prière au monde qui m'éloignerait de toi. Tu es ma Cadillac 54 coupe de ville. Je suis ta cruche de miel. Y'aura des feux d'artifice, y'aura des vieilles doléances là. Vie est un voilier, l'eau est sous le feu. On se créera une trousse d'incantations fugitives. Sur un canapé avec toi, fondre le temps avec toi. Les dimanches chauds, Blueberry Hill, on ira voir Jabberry. Allons, sur un canapé avec toi, fondre le temps avec toi. Les dimanches chauds, Blueberry Hill, on ira voir. Je ramène du gibier avec son cuir exotique. On se fera pour moi un tambour, pour toi une sacoche. Tu m'enroules en ton Amérique, je t'enroulerai en mon Afrique. Y'aura des feux d'artifice, y'aura des vieilles doléances. La vie est tout voilée, l'eau est sous le feu. On se créera tous des plantations fugitives. Sur un canapé avec toi, fondre le temps avec toi. Les dimanches chauds, Blueberry Hill, on ira voir Jabberry. Allons, sur un canapé avec toi, fondre le temps avec toi. Les dimanches chauds, Blueberry Hill, on ira voir Jabberry. Allons, sur un canapé avec toi, et fondre le temps avec toi. Avec toi, fondre le temps avec toi, sur un canapé avec toi, fondre le temps avec toi. Ah, ah. C'était Cruche de miel de l'artiste N'Gabo, tiré de son album éponyme, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne le connaissent pas. Allez sur MySpace, allez sur YouTube, allez, s'il vous plaît, découvrez N'Gabo, N-G-A, accent circonflexe, B-O. S'il vous plaît, allez-y, vous allez. Si vous aimez Jérôme Mignard, vous allez adorer N'Gabo. Vous allez vous sentir comme un poulet heureux et épanoui devant le marché flexitarien. Bon. OK. Mon Dieu. Incroyable. Ouais, c'est beau. C'est beau dans ta tête, hein? Oui, je nous compare tout à des poulets pour des flexitariens. On est heureux. Des poules? Oui, on respire. On est biologique. Oui. Dans le domaine sonore, on a une grosse coche ici. Non. Ouais. Cela étant dit, depuis le début de la chronique, on parle de la vidéo. Je ne la mets pas sur Internet. J'ai trop. J'ai honte, là. Je veux pas te gâcher ta carrière, David. Oui, je sais surtout que moi, j'avais divisé provinciaux avec Salut Bonjour. Ouais. C'est avec Salut Bonjour. Rien de moins. Ben. Oui, ça commence par là, puis après ça, je vais être chroniqueur pour Jimmy Kimmel. Je peux te prendre la photo, au moins? Ouais. Il a l'air d'être vraiment pas sûr de ça. Parce que nous, on voulait vraiment prendre une belle vidéo de toi, mais tu sais, c'est que... Si, mettons, je vais de même. Ouais. Hein, Palin, je l'ai diverti. Non, Matt, tu peux l'avoir de profil. Non, on était trois à avoir le téléphone, t'as-tu vu? T'étais trois à avoir le téléphone de l'un que l'autre. Qui. Et une chance arrêtait. Qu'on n'est pas en voiture, hein? Ouais. Ça serait dangereux, puis Michel Lebrun, il serait pas content. Mm. Et il pourrait nous défendre. J'espère. Ouais. C'est un peu plate, hein, finalement. Non, faudrait pas qu'ils nous défendent pour ça. Ça serait criminellement irresponsable. Mmh. Avoir un cellulaire dans les mains. Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que t'as le droit d'avoir ton GPS, puis t'as le droit de mettre de la musique. Tu sais, ouais. c'est assez. Ça se tient pas. Ben, c'est la loi. Hey, arrête. Il refait un autre finger. David, c'est réponds à ça. C'est encore une foutue vidéo. Hein. Ouais. Faut remettre ta veste, là, puis il va être obligé de pas la mettre. Mais c'est quoi, tu vas faire, tu veux que je fasse un hamster? Non, je voulais faire un moment cocasse pour mettre sur Facebook, parce qu'on met jamais rien sur notre Facebook. Fais un moment cocasse, David, t'es drôle naturel. Hamster, attends, encore plus... Là t'es filmé, sache que t'es filmé. Non, là, je te le dis d'avance, t'es filmé. Hey, Matt, fais quelque chose. Non, c'est parfait. Il est en train d'y sauter dessus comme un lapin avec sa langue sortie. C'est beau, c'est beau. Touffe-moi pas, toi. C'est beau, c'est de toute beauté. OK, bon, là... Fais-le là, Mathieu. Ouais, je sais pas si ça va trouver si drôle. Est-ce que je vais avoir de la misère à le filmer, par exemple? Je sais pas si on va me voir. Attends un peu, est-ce que c'est correct si c'est bien centré? Non, c'est pas centré. Pas. Ben, c'est tu veux-tu que je te fais moi donc, je passe mon téléphone à François. Là, on fait un moment de radio cocasse et aucunement prévu. Là. Moi, je le vois pas parce que je suis... Saute dessus. Saute dessus, dos. David. Saute. Ah, touche-le. Touche-le. Ah, merci. Ben, c'est doux ici, fait que tu peux me flatter là. C'est... OK. Je pensais pas que ça allait être aussi long, ça. Twizy une tête. OK. Merci, David. Okay. Reste-toi, là. Reste-toi. Là, fais stop. Ça, là, on l'a. Faut pas le perdre. Stop. Perdre la vidéo. Mais pourquoi vous voulez faire ça, les gars? Qu'est-ce que vous avez contre c'est moi? C'est notre Facebook. On veut quelque chose de le fun, c'est notre mais Facebook. Mais pourquoi vous les avez pas fait avec les autres chroniqueurs? Parce que c'est toi le plus drôle de la gang. Prends ça comme un compliment. Bon. Ouais, OK. Mais c'est parce que je veux travailler pour Gino Chouinard. Gino Chouinard, il va trouver ça drôle, lui-ci. Il a un sens de l'humour, Gino, là. Ouais, puis Pierre-Carl Pelado. Parce que j'ai peur qu'il me trouve plus drôle que Julie Snyder. Non, mais si Julie Snyder te trouve drôle, l'affaire est dans le sac. Ouais. Puis là, je vais pouvoir passer au banquier. Ouais. Ça a l'air d'être payant, ça. Ben, ça dépend. Dépend de la valise que tu ouvres, là. J'imagine que les salaires marchent de même aussi, non? Ouais, ton salaire dépend de ta valise. C'est l'histoire, là, dis pas. Le concept est tellement simple que ça m'intéresse pas. Exactement. Il y a un jeu au Royaume-Uni, pile ou face, que ça s'appelle. Pile ou face, puis vraiment, les gens font pile ou face, puis ils gagnent ou perdent. C'est le fun, hein? Ouais, puis tu peux dire ça. Ça s'appelle Heads or Tails. C'est vraiment une émission de télé. Bon. Yes, donc, merci, David Ferron. Ben, ça me fait plaisir, puis merci de m'avoir accueilli encore une fois, puis j'espère que les trois artistes que je vous ai fait découvrir vous ont permis de voyager dans un monde musical exceptionnel dans la belle musique diversifiée du Québec d'aujourd'hui. Ça fait plaisir et j'aimerais ça te dire merci de t'avoir impliqué dans l'assemblage requis. Jusqu'à maintenant, c'est ta dernière chronique. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux pas revenir, on va te filmer sinon. Ouais, c'est ça. C'est gênant pour toi. Ouais. Non, c'est fini. Ah ouais. C'est fini. J'ai... Ah, puis tu. Si tu veux pas être filmé, ben on au revoir. On a pas besoin de toi. OK. Un état policier, c'est de même. Bon. Donc, David Ferron, on te retrouve mardi prochain. OK. Mais la lampe de feu est partie, je pense. Mardi prochain à 8h30. Prenons une chronique La langue dans ton oreille. Nous, on va terminer l'émission ici. On est déjà un petit peu en retard, mais c'est comme ça, on dépasse. On est libre de tout ici. Là. Mm-hmm. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain à l'émission, François-Olivier, on aura Julien Durocher qui va nous faire sa chronique L'Index. Maxime Bilodeau? Oui, va nous parler de sport. Non seulement il va nous parler de sport, mais il va nous faire un compte-rendu d'une lecture qui vient de terminer et qui vaut la peine d'être discutée. Le livre s'appelle The Secret Race par Tyler Hamilton et Daniel Coyle. Ça constitue le récit de vie d'un des anciens coéquipiers de Lance Armstrong lors de ses 7 conquêtes du Tour de France. Bro. On va prendre une tonne de détails qui vont non seulement vous nous faire réfléchir sur le cas Armstrong, mais aussi sur le dopage dans le sport professionnel en général. C'est donc demain dans la chronique de Maxime Bilodeau. Et Jasmine va être là aussi. Oh, avec sa chronique de la GAQTR. Sinon, restez sur nos ondes à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, la rediffusion écoutée de rock classique à 13h. À 16h, c'est les gars de Melon Miel et Chou de Bruxelles. Et à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. On va se quitter sur une dernière pièce qu'on n'avait pas vraiment trop pensé à notre affaire. Là. Metric? Oui, ah, t'as bien raison. Metric. Yay. Une pièce en particulier, mon cher? Reading Underwater. Ah, notre préférée de tous les temps et la préférée de bien des gens ici à C'est Fou. Donc, Metric et Breathing Underwater. À demain. Bonne journée, David. Au revoir. Puis, vraiment bonne finale. Donc, au revoir, François, Olivier et ouais, au revoir, Mathieu. Au revoir. À qui d'autre David Ferron. David Ferron. Michel Lebrun. Michel Lebrun, merci beaucoup. Maxime Tanguay. Mm-hmm. Vous, à la maison, où vous soyez, sauf sur iTunes et les autres qui marchent mal. On le sait. Merci. Bye. Bye.